Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'Histoire, un conflit historique autour de la profondeur du décolleté. C'est une petite affaire, un de ces rien du tout de l'actualité, une affaire minuscule qui convoque l'ordre moral et surtout les négociations incessantes dont il fait l'objet. Aux grandes dames de ses défenseurs acharnés, c'était la semaine dernière à Paris. Voici la robe de l'incident. Mardi, Jeanne la porte alors qu'elle tente d'entrer au musée d'Orsay. Arrivée à l'entrée du musée, je n'ai pas le temps de sortir mon billet que la vue de mes seins et de mon apparat tout dépoitraillé choque une agente chargée du contrôle des réservations. Après discussion avec plusieurs agents et responsables, Jeanne est sommée de se couvrir avant d'accéder au musée. Une jeune femme s'est donc vue presque interdire l'entrée au musée d'Orsay parce que sa tenue violait la sacralité du temple du génie pictural français du XIXe siècle. Bertrand Tillier, historien des images, s'est indigné sur Twitter du caractère ahurissant de cet événement, intervenu dans un musée où le corps nu ou dénudé s'expose dans nombre de salles. À commencer peut-être par l'origine du monde de Gustave Courbet, qui a cessé de faire scandale depuis maintenant quelque temps. Mais ce décolleté vertigineux devait bousculer l'ordre du lieu durablement, puisque quelques jours plus tard, un groupe de militantes fémines s'est planté torse nu dans le dit musée en répétant le slogan « Mes seins ne sont pas obscènes » pour dénoncer un sexisme obsolète. Les âmes sensibles parmi les visiteurs présents ce jour-là ont probablement été achevées une bonne fois pour toutes. Entre-temps, la direction de l'établissement avait pourtant présenté toutes les excuses possibles à la visiteuse malmenée et les parties en présence s'étaient quittées dans les meilleures dispositions. L'affaire nous fait sourire aujourd'hui, et c'est tant mieux parce qu'au siècle auquel se consacre justement le musée d'Orsay, la profondeur d'un décolleté pouvait vous mener devant les tribunaux. L'historienne Corinne Legoix fait le récit de ce procès dans la revue Mode Pratique, un duel judiciaire autour des normes de la pudeur. La baronne de Korff avait refusé de régler la couturière Delphine Baron pour la commande de costumes destinés à ses filles qui devaient se rendre au prestigieux bal masqué du duc de Morny le 2 mars 1859. La couturière réclamait son dû et argumentait, avec l'appui de son avocat, que ce décolleté se portait très bien sur le boulevard du crime pour ses contemporains, où se jouaient chaque soir dans ses nombreux théâtres les mélodrames qui avaient la faveur de toutes les classes sociales du Second Empire. La défense de la baronne s'indignait à la barre, je cite, « S'en serait fait de la grâce française et du goût français si les couturières faisaient la loi ». C'était bien mal connaître la circulation des pratiques et des modes et la vitalité du changement social par les usages. Cette futile affaire de chiffon en apparence nous dévoile la violence des rapports de classe sous le Second Empire au moment où se joue une bataille cruciale. La remise en cause du statut d'arbitre du goût, jusqu'ici monopolisé par la noblesse, par le monde de la couture. Le vêtement devient l'objet d'une lutte acharnée, du conflit entre la société d'Ancien Régime et celle qui s'apprête à la remplacer, pourtant sans violence. Au musée d'Orsay, la semaine dernière, l'histoire nous a rattrapés par le col, le décolleté redevenait sujet de crispation. En 1859, le décolleté avait perdu la bataille, et la couturière s'était vue condamnée à verser des indemnités à la baronne sans obtenir le règlement de sa facture. Aujourd'hui, la visiteuse décolletée du musée d'Orsay sort victorieuse de cette crispation autour de la cohabitation des systèmes de normes dans l'espace public. Eh bien voilà, merci Anaïs. On retrouve le journal de l'Histoire et tous les liens utiles sur notre site franceculture.fr.